Je pense à mon Bercy pendant mon zénith. Je penserai à mon divorce pendant mes fiançailles. La peine ça s'hérite, un peu de sincérité. Je vous déteste pas parce que même la haine ça se mérite. Je suis près de Saint-Trope. Les amis du lycée me demandent ce que je deviens. Je leur réponds que je suis devenu misanthrope. Même les psychologues ont des psychologues. Peur de demander conseil à quelqu'un qui demande conseil à un autre. J'ai dit à ma mère qu'en 6 mois j'ai pris 300 000 euros. Elle m'a dit qu'en 6 mois j'ai pris 3 ans. Un ciel orage, un ciel orange. Les gens croient pas en ce qui est vrai ou ce qui est faux. Ils croient en ce qui les arrange. Les stalactiques, le péage, les arrêts de nuit. Je me sens galactique comme le Réal des années 2000. J'ai peur quand je pense. Si ton enfant te demande comment on fait les enfants, c'est qu'il a déjà la réponse. Debout avant le réveil, les mains sales, les chairs des mains encore plus sales que les miennes. Des problèmes et des solutions qui rapportent encore plus de problèmes. Cuir toscan, je suis peut-être le même, mais le stress me gêne. Après quelques jets, je me demande qu'est-ce que j'ai, pourquoi je déteste mais que j'aime. Je peux pas arrêter d'avoir maman dans mes songes, mais je dois arrêter de parler d'argent dans mes sons. Je devrais être plus fédérateur, j'ai l'impression de devenir le cliché du rappeur. Les montres, les voitures, les ennemis, les chouins, l'ego. J'étais plus heureux quand j'avais moins d'ego. Je vois l'espoir de loin, je suis ridicule, je manque de choses dont j'ai pas besoin. Plaire à des gens que je porte même pas dans mon cœur. Je fais la course contre le monde qui est pas à l'heure. I am dans la playlist, tu donnes une image sur les réseaux. Mais je sais que t'es pas comme ça dans la vraie vie. L'impression que j'ai des trous au ventre. Quand j'ai pas de problème, faut que j'en trouve un. Des fois, j'aimerais tout balayer avec un rayon plasma ou un revers de masse d'Asgard. Comme d'être brûlé les rames, je crache mes flammes sur ta scam. Ce style vient du zoo du dirty bastard. Le temps passe, je vais pas le cramer à regarder, l'action me parle. Pas le lèche-vitrine, je peux pas laisser leur bad vibe me retarder. Je remplis l'encrier de fiel et d'acide citrique. Leur futur emballé me paraît si triste. Au lieu de dénoncer, on ouvre la bouche pour la distrib. Tiens, voilà ta dose de Big Mac, la millième. J'entends le bruit des chaînes comme sur Amistad. Me demande pas comment je vais, vois où tu vas. Comme le moral, ta morale fait des zigzags. Je m'en sors comme je peux, limite les dégâts. Tous les soirs, je projette leur gueule sur le speedbag. Mes potes ont fait la salle des coffres par les égouts. Les banques ont pénétré chez nous par la même route. Les pensées pourries dans les mêmes traces. On me dit la zig est chère avec des Nike à 300. Je veux des arbres et du Franz Fanon. Ils veulent du brut et des grands canons. Cette vie c'est un mauvais film, alors la fin je te dis pas. Déjà j'ai pas aimé sa bande annonce. Je roule en bord de mer avec du son dans les enceintes. Cours après le bonheur, chaque jour erre en quête. Cash, j'ai hérité ça des ancêtres. Fuck les crimes qui veulent matcher à mes empreintes. Coller un œil sur mes dorsaux. Le fourbe veut croquer un morceau. Dès qu'elle vient des filles et canne et corso, je fais des compos en piquant des L à leur complot. Loyauté VS Kuba, je sais qui me veut du bien et du mal comme le Mumba. On mord pas la main qui nous nourrit, on coupe net celle qui nous pourrit. C'est comme ça. Pourquoi stresser? Dis-moi, l'univers ne nous voit pas danser. Non. L'important c'est avancer. L'univers ne nous voit pas danser.